Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Question 73. Des signes du jugement dernier. Des signes précéderont le jugement. Le soleil et la lune seront obscurcis, les vertus des cieux, ébranlées. 1. Des signes précéderont-ils le dernier avènement du Seigneur? Il est écrit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Luc 21-25. Jésus-Christ, venant juger la terre, apparaîtra dans sa gloire, à cause de son autorité même de juge, car il appartient à la puissance judiciaire de commander le respect et la soumission. Plusieurs signes le précéderont, pour soumettre d'avance les hommes à sa sentence, en les avertissant du suprême jugement. Quels seront ces signes? Il n'est pas facile de le savoir. Comme l'observe saint Augustin, ce que nous lisons dans l'Évangile se rapporte non seulement au jugement universel, mais encore au temps de la ruine de Jérusalem, et même à l'avènement par lequel Jésus-Christ visite continuellement son Église. Peut-être même trouverait-on, en y regardant de près, qu'aucun d'eux, selon la remarque de ce grand docteur, ne concerne proprement le dernier avènement du Christ. Les tumultes, les séditions, les guerres, les terreurs, s'y manifesteront sans doute avec plus d'éclat et d'intensité que dans les premiers âges du genre humain. Mais à quel degré s'élèveront-ils pour annoncer le dernier jour du monde? On l'ignore. Note. Il se peut que les signes qui annonceront la consommation des siècles fassent partie du jugement, et que ce qui est appelé le jour du jugement les renferme tous. L'Écriture annonce que le Seigneur viendra comme un voleur, pour nous marquer que les signes avant-coureurs n'en feront pas connaître le moment précis. Dans son premier avènement, Jésus-Christ voulut rester caché, aucun signe ne dut le précéder. Dans le second, où il apparaîtra plein de gloire et de majesté, des signes éclatants préluderont à son arrivée. Fin de la note. 2. Le soleil et la lune seront-ils, pendant le jugement, réellement privés de leur lumière? Ce ne sera pas à l'avènement du Sauveur, ce semble, que s'éteindra la lumière des astres, il est probable, au contraire, que, dans cet instant, elle sera augmentée, et que le monde entier prendra une nouvelle face, selon cette parole d'Isaïe. 30-26, la lumière de la lune ressemblera à celle du soleil, et la lumière du soleil sera cette fois plus brillante. Mais il est certain que, dans le temps qui précédera de très près le jugement, le soleil, la lune et les autres astres perdront, soit successivement, soit tous ensemble, leur lumière. La puissance divine opérera ce prodige pour effrayer les hommes. 3. Les vertus des cieux seront-elles ébranlées à la venue du Seigneur? Job 26-11 disait, « Les colonnes du ciel tremblent et frémissent à son moindre signe. Quelles sont les colonnes du ciel, sinon les vertus des cieux? Il est pareillement écrit dans saint Matthieu. 24-29, les étoiles tomberont du ciel, et les vertus des cieux seront ébranlées. Soit que l'on entende par les vertus des cieux tous les anges, soit que l'on applique cette expression à l'ordre angélique qui porte spécialement ce nom et dont la fonction est de mouvoir les corps célestes, il est certain que les vertus des cieux seront ébranlées à l'avènement du Sauveur. Car la vue d'un spectacle si extraordinaire frappera d'admiration tous les anges, et l'ordre des vertus, cessant de mouvoir les astres qui produisent les phénomènes du monde inférieur, seront ébranlés, c'est-à-dire forcés de quitter leur office propre. markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.